qu'il y a encore. Je sais qu'il existe encore de Dieu pour moi. Je sais qu'il y a ton amour, plus grand que l'amour de père, plus fort que celui d'un homme, plus fort que celui d'un âme, c'est ton amour, quel est cet amour, quel est cet amour, quel est cet amour. Je ne comprends pas. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Que je ne comprends pas. Qui a pu conquérir mon cœur? Qui a brisé mes raisons? Qui m'éloigne de mes désirs? Fut ton amour qui a pu conquérir mon cœur, qui a brisé mes raisons, qui m'éloigne de mes désirs. Ce fut ton amour. Seigneur, j'ai dit oui. Comme la